Bonjour à tous, vous écoutez le mensuel d'août 2016, Diunctis. À mes côtés, il y a Oshi, salut Oshi. Salut, salut. On a Max, salut Max. Salut. Et on a Forza qui devrait arriver en cours de route. Oui. Alors on va commencer très simplement par le sport, puisque l'événement du mois d'août c'était les JO 2016. Alors personne n'a prévu d'en parler longuement, mais juste deux trois mots pour dire ce que vous avez vu, quelles sont les épreuves qui ont marqué durant ces JO. Moi ça va aller vite, j'ai rien regardé du tout, mais pas une seule minute, donc amusez-vous. Bah moi ce que j'ai bien aimé c'est la boxe, parce que c'est quand même on avait l'habitude de faire déjà de se faire voler comme c'est pas permis. Et là on y ramène 6 médailles, c'est quand même énorme. Sport où ça, franchement la petite aiguille m'a pas plu du tout, mais bon. Notamment la natation, le cyclisme sur piste, le tennis, enfin voilà quoi, c'est. Eh oui, mais franchement, France Télé, faut qu'ils arrêtent là. Parce que putain, tu passes un sport, deux secondes après, tu passes un autre sport, c'est dégueulasse. C'est, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Tu sais même plus quoi, ce que tu suis, en fait. Alors, moi, je suis un peu entre vous deux. J'ai regardé quelques épreuves, mais pas beaucoup. J'ai regardé le basket, l'équipe de France, qui a été très décevante. J'ai regardé un peu la boxe quand il y avait les finales et tout ça. C'est vrai que c'était plaisant à voir. Puis, il n'y avait pas de mauvaise surprise, on va dire, dans les décisions. Sinon, le judo, le peu que j'ai vu, c'était chiant. Notamment, Teddy Riner, là, la finale, c'était affreux. Mais voilà, bon, il a quand même réussi une belle compétition. On passe aux jeux vidéo. Allons-y. Allons-y. Alors, avec un événement qui a été encore plus grand que les JO, c'est Pokémon Go. Tout à fait. Il y a trois personnes qui voulaient en parler. Forza arrivera peut-être avant que vous ayez terminé. Donc, Oshi ou Max, je sais pas qui débute, mais faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est d'abord Pokémon Go ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui savent pas, tu penses ? On sait jamais, hein, quelqu'un qui sort de sa grotte. Ouais, on sait jamais. Non, bah, c'est un free-to-play sur le thème de Pokémon qui avait été annoncé depuis un an déjà, et qui était censé à la base, introduire les Pokémon en une sorte de réalité virtuelle, en réalité augmentée via les téléphones, pour pouvoir chasser les Pokémon via son téléphone et pouvoir voir les Pokémon dans la vie de tous les jours. C'est enfin sorti cet été. C'est bien moins bien que ce qui avait été annoncé de façon écologique, c'est-à-dire que les Pokémon sont tout pourraves, c'est toujours les mêmes. C'est extrêmement long pour arriver à avancer, pour rester vraiment dans le jeu, il faut y passer des heures et des heures, c'est ultra chronophage et ça défonce ton téléphone. Sinon c'est très sympa. Bah, quasiment tout le monde a arrêté d'y jouer parce que c'est super redondant et que les mises à jour avec du nouveau contenu mettent vraiment longtemps à arriver. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de sites et beaucoup d'applis tierces qui aidaient pas mal les joueurs à trouver les Pokémon, à calculer leurs meilleurs Pokémon et qui se faisaient bannir les uns après les autres, les applis puis les joueurs. Du coup, je pense que ça a découragé quand même pas mal de monde. Après, bon, moi je sais que je continue à y jouoter un petit peu parce que c'est pas désagréable de compléter un peu son Pokédex. Maintenant, bon, j'attends vraiment les prochaines mises à jour avec tant annoncé la deuxième génération de Pokémon qui va arriver pour mettre un petit peu plus de piment et surtout plus de Pokémon différents, parce que quand t'as 10 Rookool pour un Pokémon plus intéressant, c'est vraiment pénible. Et il parlait de faire un radar intégré, ce qui pourrait être vraiment bien, ainsi que d'intégrer une sorte de compagnon qu'on pourrait choisir parmi ces Pokémon qui nous accompagnerait, qui pourrait gagner des bonbons Pokémon, des bonbons qui servent à faire évoluer ces Pokémon et qui sont extrêmement rares et beaucoup trop rares dans le jeu. Voilà, Max. Bah ouais, alors c'est vrai que moi c'est bizarre parce que tu vois, je suis pas du tout un fan de Pokémon, pas du tout, enfin j'ai jamais accroché à ça et tout, et voilà. Moi j'étais quand j'étais plus gosse, pour la première génération, j'avais 14-15 ans, j'avais bien accroché avec mes petits frères et sœurs, mais ça a pas duré longtemps. Bah coup. Tu vois, moi quand sorti en France, ouais, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, 12-13 ans, et j'ai pas accroché, j'avais regardé quelques épisodes, j'avais pas accroché, et puis finalement quand le jeu est sorti, même quand il était annoncé, enfin bizarrement tu vois, je l'attendais pour voir justement ce que ça donnait. Et bah c'est vrai que par rapport à ce qu'ils nous avaient dit et ce qu'il en sort après, t'es un peu déçu parce que ça reste gratuit. Ouais, c'est un peu pay to win, mais ça reste gratuit, tu peux y jouer entièrement. Ouais, ouais, clairement, voilà, tu peux y jouer vraiment sans payer, c'est vraiment bien. Après comme tu dis, c'est vrai que c'est super chronophage, et quand tu tapes quand tu fais 2-3 km et que tu t'es tapé 10 roucoules et tout machin, normalement t'en as un peu marre, quoi. Par contre, voilà, le point fort c'est que ça fait marcher. Moi depuis que j'ai le jeu, je marche en moyenne entre 50 et 60 km par semaine, ce que je ne faisais pas avant, et pour le coup c'est bien, je fais les trajets, j'arrive tout trempé au boulot, c'est super, mais au moins je marche et j'ai attrapé 2-3 conneries. Alors le temps, je sais pas si ça va durer ou pas, mais bon. Bah c'est vrai que moi aussi ça me fait marcher un peu, là en plus bon ça là, comme tu vois, je suis en vacances, donc je vais pouvoir aussi en profiter et marcher plus parce que j'aurai plus de temps dans la journée pour marcher, quoi. Et voilà, et c'est vrai que c'est un truc qui bah tous les jours tu vas, tu regardes si t'as pas un truc sympa et tout autour de toi, c'est sympa, quoi. Après, ouais, il va falloir qu'il fasse des évolutions et qu'il les fasse assez rapidement parce que ça fait quoi, un mois qu'il est sorti, je crois. Ouais. Et clairement, ça commence à lasser un peu, je pense, les gens, justement, qui n'ont pas de vraies évolutions, quoi. Et... C'est ça, il va falloir que ça bouge un petit peu. Alors, moi, il y a un problème, c'est en fait, c'est qu'il ne faut pas y jouer en conduisant. Moi, j'y joue beaucoup en conduisant, et c'est très mal. Et c'est très dur de ne pas y jouer en conduisant, parce que forcément, ouais. Tu es en caisse, tu lances, tu vois des trucs, tu te fais des arrêts au feu rouge. C'est mal, mais c'est très dur de ne pas y jouer. C'est ça, voilà, mais c'est ça. Mais moi, je le fais surtout pour les œufs, tu vois, parce que, bah, voilà, toi, vu que comme je bosse et tout, je roule de souvent, pas très vite et tout, parce que je fais du porte-à-porte, quoi, quasiment. Donc, en fait, bah là, mes œufs, franchement, ah ouais, ils éclosent super rapidement et c'est génial, quoi. J'arrive à en faire 2-3 par jour et tout, c'est sympa. enfin, des œufs 5 km, quoi, des km, ouais. J'en fais généralement un par jour, mais 5 km, je pense. Moi, j'ai plus que des 5 km, de toute façon. Moi, ouais. Les 10 et les 2, j'en ai plus. J'ai que des 5, ouais. Ça fait 2 semaines que j'ai que des 5. Pas le choix. Ouais, moi aussi, c'est ça. Mais après, voilà, après, moi, ce qui m'a saoulé, c'est clairement la polémique. Enfin, et j'en parlais avec un pote au tout début, il m'a dit, tu vas voir si ça marche. Il va y avoir la polémique, je vois, c'est bon, on peut pas nous faire chier pour un jeu. Bah, tu sais, c'est dangereux, les gens font pas social, ça coûte les coupes du monde, machin. Ah non, ça va. Ouais, j'ai dit, c'est bon, au début, hein, un pote qui m'avait dit ça, tu me diras, il va y avoir des polémiques aussi, je vois, c'est bon, quoi, il va pas nous faire chier pour un jeu sur portable, quoi. Et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Quand tu vois certains, ouais, c'est pas social, ça coupe de la vie sociale, machin. Bon, mais ça, il y aura toujours des gens pour râler sur les trucs qui marchent, hein, ça, c'est pas grave, c'est normal. Moi, je sais que quand je joue dans la rue, je me planque un peu parce que je trouve que ça fait un peu peine parce que j'ai quand même 32 ans. Mais c'est un peu pareil, ouais. Ouais, moi aussi c'est pareil. Voilà, maintenant, bon, ça reste un jeu. De toute façon, moi, j'ai vu. Non, je me sers d'une appli radar quand même qui a l'air de marcher, qui est toujours pas tombée encore pour l'instant. Et j'ai bien pu. Ben, l'autre soir, je suis tombé sur un low class à 1500. Et je suis en train de rentrer. Je commençais à peine d'utiliser le radar. Je me suis retrouvé dans une petite rue et il y avait genre 10 personnes qui couraient pour aller choper le Pokémon. C'est très très rigolo. Est-ce que, comme certains, vous avez découvert de nouveaux endroits dans vos quartiers ou dans vos villes, par exemple ? Non, moi je la connais bien. Bah, j'ai fait la livraison moi, pendant 3 mois. Bah, voilà, moi je fais de la livraison, donc ma ville, je la connais quasiment par cœur, quoi. À part des ruelles sombres, voilà, mais que, tu vois, j'irai pas en pleine nuit, par exemple, tu vois, mais sinon... Sinon, non, quand tu fais de la livraison, là, vu que tu la connais bien comme il faut, et y a pas de problème. Quoi. Mais du coup, vous l'utilisez encore régulièrement ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui commencent à lâcher. Moi, je peine à trouver un jeu mobile qui me tient un peu sur la longueur et qui me permet de jouer un petit peu de façon casual. Et du coup, ça me va bien, en fait. Je me fais des petits trajets à pied, tant que j'ai toujours du contraint. Après, quand je pars 2 jours faire quelque chose, 3 jours en festival, j'y pense pas, j'allume même pas, j'ouvre pas parce que je suis fou, en fait. Mais c'est vrai que sur le quotidien, ça, ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Ça permet de garder un peu une sorte de petit fil conducteur sympa. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, moi aussi, voilà, quand c'est vrai, tous les jours et tout. Enfin, j'ai le cœur d'un peu de temps en temps, voilà, mais je suis pas bloqué dessus, quoi. C'est pas... Il y a des jours où j'ouvre même pas, quoi. Très bien. Bon, en tout cas, ça vous a fait votre été. Pour un jeu gratuit, c'est déjà c'est une bonne chose. Ouais. C'est ça. On va enchaîner, puisque bon, Forza n'est pas arrivé à temps. Donc, je vais parler d'un jeu qui est sorti sur mobile d'abord, mais qui est passé sur PC récemment. C'est Fallout Shelter. Donc, c'est un free-to-play aussi, qui est, donc, comme j'ai dit, qui est sorti sur mobile. Il avait été annoncé l'E3 2015 en pleine conférence. Donc, ça avait fait un carton dès le lendemain. Le concept est simple et accrocheur, on gère un abri anti-nucléaire dans un monde post-apocalyptique. Donc depuis un mois environ, le jeu est disponible sur PC et j'ai décidé de m'y lancer parce que sur ma tablette Android, c'était assez lent, c'était pas très jouable. Et c'est un jeu simple à prendre en main, l'abri est facile à gérer, la gestion des ressources est basique. Mais on peut former nos habitants de l'abri pour qu'ils soient plus forts et on peut les envoyer ensuite dans des quêtes ou dans les terres désolées en solo. Mais ça ressemble au jeu que tu as joué tout à l'heure, il fait la story sur... comment s'appelle son jeu là ? RimWorld ? Ouais, c'est un peu le même. En beaucoup, beaucoup plus basique en termes d'accord, de gestion. Quoi. Super simpliste. Mais c'est ma fiche. Là, en fait, c'est géré, c'est comme les free-to-play, plutôt comme Clash of Clans ou un truc comme ça. Ouais. Dans les principes, je pense que ça ressemble plus à ça. Parce que pour en parler, on en parlait en off avec Steve, ma meuf, il joue énormément sur son téléphone, ça fait une semaine qu'elle ne joue qu'à ça. Donc effectivement, si elle joue à ça non-stop, c'est que ça va pas être très compliqué. On lui passera l'enregistrement. Oui. Non, mais c'est vraiment simple. On construit des salles en fonction des besoins en ressources, et électricité, nourriture et eau. Et en fait, il suffit d'être là, de se connecter de temps en temps. Tu récoltes des ressources, tu suis un peu les habitants que t'as envoyés en mission. Et puis voilà, c'est comme les free-to-play, c'est géré au niveau du chrono. Tu dois attendre pour effectuer certaines actions. Ouais. Voilà, ça passe le temps, c'est bien, tu lances le temps, t'as des missions en plus, et voilà, c'est un jeu qui fait un peu comme Pokémon, quoi, ça fait le temps, fait passer le temps. Ouais, voilà, ça fait passer le temps, et Ce ballon, voilà, pour un jeu gratuit, c'est très bien. On va passer à Oshi qui va nous parler de No Man's Sky. Ah, No Man's Sky, oui, j'en parle. Je pense que la plupart aussi du forum en ont entendu parler. C'était un jeu qui était annoncé depuis à peu près un an, un jeu qui s'est sorti en indépendant par Hello Games, un jeu vidéo de science-fiction en bac à sable où on était censé du coup spawner en façon FPS sur une planète dans une seule et unique univers unique où tout le monde peut jouer, mais il y a des milliards de planètes. Tout unique, tout géré procéduralement, avec de la faune différente. Il allait falloir une grande aventure qui allait être prévue. Il fallait avoir crafté des choses pour avoir de meilleures armes, des meilleurs vaisseaux. Ça avait l'air extraordinaire. Moi, le premier, j'étais complètement fou. J'avais fait une précommande d'ailleurs pour une clé PC cet été. Il se trouve qu'un peu avant la sortie, j'ai le site de commande qui m'a dit que oula, non, c'était plus possible. Il y avait trop de commandes. Il fallait qu'il me rembourse. Du coup, je suis bon, remboursez-moi, j'achèterai plus tard. Le jeu sort. Et là, hop, énorme flop. J'ai un pote qui l'a acheté sur Steam, qui l'a revendu, qui l'a fait rembourser au bout d'une heure. Je lui disais, mais quand même, c'est si nul. Il me fait, non, tu verras. Et pour avoir mis la main dessus depuis, effectivement, c'est une alpha qu'on te vend 60 euros. Alors apparemment, ils ont quand même été bien poussés par Sony, qui du coup était distributeur sur PS4 du jeu, et il y a vraiment eu une sorte de fausse com là-dessus pour que les gens l'achètent. Sony a flairé un bon coup pour le faire sortir comme un jeu de grand studio, alors que finalement c'est une alpha de jeu indépendant qui a un énorme potentiel, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est relativement bien optimisé, même si les textures sont très moches, ça tourne assez bien, mais il n'y a vraiment rien à faire. Une fois que tu as fait trois planètes, c'est toujours pareil, il se passe vraiment rien. C'est crafté pour c'est miné pour crafter des nouvelles armes, pour miner encore mieux, tout ça pour arriver au bout de 30 heures au centre de la galaxie. C'est nul à chier. Moi, j'y ai joué 2 heures et puis j'ai arrêté parce que c'est vraiment chiant. Donc voilà, c'est super dommage parce que c'est un jeu qui avait l'air ultra prometteur et on te le vend 60 euros comme une alpha, c'est pas normal. Et à savoir que du coup, il y a pareil Tyler qui me tente de celui-là, qui a un autre jeu dans le même style qui va sortir d'ici la fin de l'année qui s'appellera Star Citizen, qui sera exactement ce que voulait être No Man's Sky, c'est-à-dire un vrai sort de vrai RPG, bac à sable, science-fiction, dans un monde vraiment ouvert où il y aura vraiment des choses à faire. Ouais, Star Citizen, c'est le plus gros succès en termes de Kickstarter, de crowdfunding. Ils ont levé plus de 100 millions de dollars de dons, je crois, depuis. Et puis, il y a déjà une alpha ouverte. Avant, c'est déjà jouable. Mm. C'est vraiment super. Ben, Tyler arrête pas de dire que c'est génial. Je lui fais confiance. Et je pense que je m'achèterai ça à la sortie, effectivement, pour voir un peu ce que ça donne. Histoire de ne pas perdre du temps. Alors, Forza voulait parler de F1 2016, mais donc on a pas, comme il est pas là, on pourra pas le traiter. Peut-être par un effet de montage, on rajoutera ça, mais c'est pas sûr. Je sais pas si t'as vu ce que j'ai marqué donc sur le chat, mais je sais pas si vous avez vu, il y a eu une annonce là qui a été faite sur le, parce qu'il y a eu. C'est ce que je vois, ouais. Le keynote qui a été fait, je crois, aujourd'hui. L'annonce et pour donc, ouais, ils ont fait plusieurs annonces, notamment l'iPhone 7, et ils ont fait une annonce d'application, enfin de jeu sur iOS qui allait sortir, mais alors, par contre j'ai pas la date. Il y a un jeu, donc Mario. Il sera disponible avant Noël. Disponible avant Noël. Avant Noël. Donc voilà, il y a un jeu Mario qui va sortir donc sur l'iOS, donc avant Noël, voilà. Pour tous les fans de ça Mario. Ça s'appellera Super Mario Run. C'est ça, voilà. Donc ça peut être sympa et j'ai hâte qu'il sorte pour le prendre. J'espère que ce sera un free to play, quoi. Qu'ils vont pas nous faire chier à faire payer je ne sais combien pour avoir le jeu, mais ça, j'ai envie, quoi. J'ai cru lire que c'était payant, mais je me suis pas trop renseigné dessus. Je crois que c'est un jeu payant. Et ça va être sûrement un jeu runner où il faudra sauter au bon moment plutôt qu'un vrai jeu de plateforme à la Mario. Mais bon, sur mobile, c'est ce qui marche le mieux, je pense, en termes de gameplay. Oui. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc ouais, Mario sur iOS avant la fin de l'année. Bon, on en reparlera quand ça sortira. Si tu y essayes. Donc on va passer aux séries avec la série événement de l'été sur Netflix, c'est Stranger Things. Oui. Donc Oshi et moi, on va en parler. Alors je te laisse l'honneur de présenter la série. Alors Stranger Things, extraordinaire découverte. C'est une série produite par Netflix, une série américaine de science-fiction en 8 épisodes de 48 minutes, créée par les frères Duffer, c'est un peu leur première. C'est leur première mouture, ils n'ont rien fait avant. Produite par Netflix, du coup, qui. Pour résumer très rapidement, c'est un énorme fan service. C'est l'histoire d'une bande de jeunes d'une douzaine d'années. dans une petite ville qui perdent un de leurs potes une nuit en rentrant en vélo et ils commencent à voir des choses surnaturelles qui se passent dans la ville. Ils trouvent une petite fille qui a des pouvoirs, il se passe plein de trucs, il y a un laboratoire secret à côté. C'est... Alors, en lisant juste le synopsis, en lisant vraiment juste le résumé, ça a l'air ultra convenu, ça a l'air d'être vraiment ce qui se fait depuis 40 ans, on va dire, en termes de science-fiction, dans une sorte de terme de série Z. Mais il se trouve que c'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pris une énorme claque, comme tout le monde, enfin, comme quasiment tout le monde, parce que pour le coup, c'est vraiment du fan service. Moi, ce que j'ai ultra apprécié, c'est que c'est bourré et truffé de références de toute la pop culture depuis 20 ans. Je trouve que les frères Duffer, ils sont dans 84 comme moi en fait, et du coup j'ai quasiment vu que des références avec lesquelles j'ai grandi. Et mais que ce soit Alien, que ce soit les Goonies, que ce soit Stephen King, que ce soit E.T., que ce soit plein de choses dans ce genre-là, c'est ultra bourré de références. Les acteurs, à part Winona Ryder qui est la connue, qui fait un super rôle, sont tous absolument inconnus au bataillon et sont extraordinaires. S'il y a une ambiance folle, donc ça se passe dans les années 80, il y a une récréation encore des années 80, c'est très à la mode, enfin tout dans les années 80, c'est vraiment réussi, on s'y croit à mort, la bande son est super. Les créateurs eux-mêmes, on n'avait pas forcément pensé que ça allait marcher aussi bien, c'était vraiment un impact et un succès total, si bien que du coup ils prévoient déjà une saison 2 pour l'année prochaine, en espérant que ça suive, que ça soit aussi bien. Et ouais, énorme claque. Pour ceux qui l'ont pas vu, ils évitent encore. Il y a que 8 épisodes et franchement, c'est sur une mini-série de 8 épisodes, j'ai pas pris une claque pareille depuis True Detective. Vraiment, c'était extraordinaire. Ah, comme tu dis, c'est l'ambiance des séries des années 80, toutes les références, le fait que les gamins soient vachement mis en avant, c'est assez rare. Et puis, je trouve que c'est vraiment bien fait, bien assumé aussi. Ouais. Et ouais, les épisodes s'enchaînent sans aucun problème. Tu peux regarder toute la saison en deux jours sans forcer, quoi. Et par contre, pour ajouter un truc sur les créateurs, ils ont travaillé sur Wayward Pines. La première saison, ils ont écrit 4 épisodes, je crois. Ça m'étonne pas. On retrouve un peu l'esprit, le mélange aussi fantastique et dramatique, un peu thriller. Effectivement. Wayward Pines, dans la première saison, est vraiment pas mal pour ceux qui l'ont pas vu. Et ne regardez pas la deuxième saison, qui est pitoyable. Voilà. Voilà, donc Stranger Things, bonne série, vraiment. En plus, c'est parfait, une série d'été. Ça... C'est exactement ça. Non, mais ils ont extraordinaire, parfait. Et les gamins aussi, un mot sur les acteurs, le casting est impeccable, comme t'as dit. Mais les gamins surtout, quoi, ils sont vraiment excellents. Surtout les gamins. La fille et le petit sang avec son problème de dents, là, ils sont fabuleux. Ouais. Non, mais tous, la fille, la Millie Bobby Brown, elle est extraordinaire et je pense qu'on la reverra. Alors, elle avait fait quelques films, quelques petites apparitions dans des séries, dans Modern Family, dans Grey's Anatomy ou dans NCIS. Je suis sur sa page Wikipédia, là. Et je pense qu'elle va aller loin parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et à savoir que le héros Finn Wolfhard, qui joue Mike Wheeler, qui n'avait pas joué dans grand chose, pareil, il avait joué dans The 100, vite fait, et dans Supernatural. Il jouera dans le prochain film. C'est Dan Lin qui le fait dans le remake de Hit, de ça il est revenu, c'est lui qui jouera Richie Tozier et qui, je pense, le film va être très compliqué à être aussi bien qu'était l'original. Bref, on verra. Ouais, donc à voir. On passe, du coup, Forza, on va aller un peu plus loin. Je vais parler de Lovesick, une série Netflix aussi, décidément, on va croire qu'on fait la pub. C'est une série que j'ai découvert cet été un peu par hasard. C'est une série anglaise diffusée en 2014 sur la télé anglaise, mais qui a été reprise depuis peu par Netflix, puisqu'ils ont racheté les droits de la série pour en faire une deuxième saison, et c'est une très bonne nouvelle. Donc ça parle d'un jeune adulte qui apprend qu'il a une MSC, la chlamydia, et dont il doit donc avertir ses ex. Et au lieu de suivre un ordre chronologique en faisant la dernière ex jusqu'à la plus ancienne, il décide de faire par ordre alphabétique. Ce qui fait que chaque épisode mélange un peu les flashbacks avec le présent. Mais les flashbacks sont mélangés, quoi. C'est-à-dire qu'on peut commencer il y a 2 ans, aller après il y a 4 ans, revenir il y a 2-3 mois. Wow. Et ce qui donne une construction assez intelligente, assez bien exploitée en plus. Bon, c'est basique, hein, c'est pas de la science-fiction ou quoi que ce soit, mais ça passe très bien. Et donc c'est une comédie dramatique, ou plutôt comédie romantique, on va dire. Mais l'aspect comédie est vraiment pas... C'est la comédie, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment une bonne comédie, je me suis marré régulièrement, surtout avec le personnage Comme quelqu'un disait, ça ressemble un peu au I Met Your Mother. D'accord. Et donc il y a un personnage qui est un peu le Barney, mais bon, je trouve en beaucoup moins lourd. Et donc ce personnage, il assure l'aspect comédie sur quelques épisodes où vraiment j'étais bien plié. Et donc c'est une comédie vraiment sympathique. Le côté roman, c'est assez classique, on va dire, mais intéressant, quoi. Ça s'enchaîne bien. On s'intéresse, comme les personnages sont touchants, on s'attache très vite à eux. Ça passe très bien. Et ouais, les 6 épisodes, je les ai revus en 2 soirs. Mais si j'avais pu, j'aurais vu tout dans la même soirée, quoi. Je regarde. Et d'ailleurs, il y a Antonia Thomas, je vois, qui avait joué dans Misfits, d'ailleurs. Ouais. Ouais, le casting des autres sont pas très connus, mais elle a joué Alicia dans les premières Dans saisons. Misfits, ouais, dans les 3 premières saisons. Ok. Oh, Et déjà, je tenterai. Pour 6 épisodes, ça vaut le coup, je pense. ouais, et puis la saison 2 arrive en novembre, donc si Parfait. certains veulent se lancer, c'est. Il y en a 2-3 qui ont regardé sur forum après mon message et ils ont eu l'air d'avoir apprécié. Donc, pour moi, en tout cas, c'était un de mes petits coups de cœur de l'été. Eh ben, Pour j'irai l'instant, voir. tu vois, Ah, sans grandes quoi. ambitions, mais Oui. vraiment, c'était nickel. Et on va passer par toi aussi, qui va nous parler de Mister Robot, Oui, saison. Mister Robot, la saison 2 qui a débuté, qui va bientôt finir. Alors, j'ai pas autant avancé que je voudrais. J'ai vu que 5 épisodes de la saison 2 sur 9 déjà diffusés au moment où on en parle. Donc, Mister Robot qui avait vraiment fait. J'en avais parlé, je crois, il y a une ou deux émissions précédentes, parce qu'on n'avait pas forcément parlé avant, qui avait vraiment fait un tabac quand elle était sortie sur SN Network l'année dernière. Et tout le monde attendait vraiment la saison 2, moi le premier, et ça commence de façon ultra laborieuse. C'est pas mauvais du tout. C'est vraiment dans la lignée de comment finissait la saison 1, c'est-à-dire vraiment dans une confusion totale par rapport aux révélations qui se passent dans la série. Ça met vraiment du temps à se mettre en place. On sait pas du tout où ça veut aller. Et il y a deux trois petits personnages qui commencent à se mettre en place, notamment un agent du FBI qui s'appelle. Est-ce que j'ai la Dominique Di Pierro, Dominique, ouais. qui est jouée par Grace Gummer, qui est ultra intéressante, qui est une fille, d'ailleurs la fille de Meryl Streep, que je viens de voir en direct sur Wikipédia. Je ne savais pas, c'est la fille de Meryl Streep, et qui est super. Et il y a plein de trucs qui commencent à mettre en place. Et la fin de l'épisode 5 commence vraiment à monter en pression. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'est jusque-là, c'était un peu laborieux de me dire, bon, on en regarde encore un, parce que c'est un peu long. En plus, l'épisode dure vraiment 50 minutes. C'est ultra pesant, c'est toujours ultra riche, ultra chargé comme série. Et là, ça commence vraiment à partir en roue libre. J'ai hâte de voir la suite et de pouvoir parler de la fin de la saison la prochaine fois. Mais pour ceux qui ont aimé éventuellement la saison 1 et qui n'ont pas encore tenté de s'y mettre, attendez que tout soit diffusé. Regardez tout d'un coup, ce sera peut-être plus pratique. Parce que un par semaine, c'est un peu long. Ouais, ben moi je suis arrivé en fait au même point que toi. Je suis en train de regarder de rattraper mon retard là. Ouais. Et c'est vrai que le début, C'est c'est long, hein? poussif, c'est Ouais. ouais, c'est dur. Et puis les épisodes, comme tu dis, c'est long. Les 2 premiers épisodes, donc ça forme un seul épisode en 2 parties. Ça dure 1h20. Le deuxième épisode, c'est 1 heure aussi. C'est Enfin, super, le troisième, c'est 1 heure aussi. Et ouais, c'est dur. Mais à partir du 4, je trouve déjà, on retrouve un peu les oui. côtés qui m'ont plu dans la saison 1. Avec un bon mélange de scènes, les personnages qui interagissent enfin entre eux. Le Oui. 5 est un petit peu décevant, mais il finit très bien avec, je pense c'est là où il y a beaucoup de violence sur la fin. Oui, oui. Et voilà, donc la suite est plus prometteuse, mais c'est vrai que le début a été assez difficile. Oui, mais on sait que du moment, dès qu'il y a le retour un peu plus d'Angela, joué par Patricia Doubleday, déjà ça fait un peu de bien parce qu'elle apporte un petit peu. Mais c'est vrai que ouais, c'est long, hein. C'est long à démarrer, mais bon, je pense que c'est en train de partir un peu. Et puis j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Bah, il voulait vraiment, je pense, reconstruire tout l'univers pour partir sur une trame qui allait être marquante, mais c'est vrai que le début, ouais, il a eu du mal un peu à trouver son rythme. Et comme tu dis, en fait, quand on retrouve un peu les personnages qui surtout se mettent à parler entre eux, rien que ça fait beaucoup, quoi. Oui, parce que avoir que Elliot, tout seul avec Elliot, Ouais. c'est chiant. Puis Christian Slater, je trouve intéressant du coup, parce que c'est dans la suite de l'histoire, mais fait que du coup, toutes les révélations ont fait que c'est beaucoup moins intéressant et que ça en devient un peu lourd à des moments. Mais bon. Ouais, puis leurs scènes sont un peu répétitives, on peut Oui. dire que bon, c'est toujours dans un conflit et ouais. Mais bon, voilà, ça s'améliore, heureusement. On va passer au cinéma avec Max qui va faire son retour et parler de Conjuring 2. Ouais, alors c'est un Max, film que. tu spoil pas parce que je veux le voir, j'ai toujours pas vu, j'ai kiffé le 1, j'adore, tu me spoil pas. Bon, ça va faire peur en fait, c'est ça que t'es en train de me dire, Ah ouais, clairement hein. T'as vu le c'est 1 un toi ou film pas? franchement. Non, j'avais pas vu le 1. Ah, d'accord. J'avais vu le quelques images du 2 et j'ai dit putain, faut que, quand même que j'aille le voir parce que franchement, il est, enfin, ça a l'air énorme. T'as flippé ou pas? Est-ce que t'as bien sursauté? Ouais, il y a des moments où tu flippes, ouais, clairement. Il y a, voilà. C'est franchement, t'as des moments où tu dis des trucs que tu attends pas du tout, c'est hallucinant, quoi. C'est, voilà. Et puis c'est, enfin, des fois tu te dis putain, c'est tiré d'une histoire vraie, tu te dis mais putain, c'est pas possible, quoi. C'est tiré d'une histoire vraie. Après, bon, ça reste une histoire vraie de ce genre d'exorciste, quoi. Donc, bon. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. C'est... Mais donc, c'est juste après Amityville, puisque en fait, c'est ça retrace là, le cas de, enfin, un des cas de Ed et Lorraine Warren qui sont, il y en a, elle est médium et lui, il est, enfin, prêtre ou ouais, pas prêtre, voilà, il est pasteur. Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, c'est, tu vois des trucs assez flippants. Clairement, voilà, je vais pas te spoiler, mais il y a un truc, si tu veux, j'ai plus vu les nonnes de la même manière, quoi. Oui, bah. il y a un moment, c'est trop, enfin, c'est fou, quoi. Non, mais après, faut dire, même au niveau du premier Conjuring, et même avec le spin-off Annabelle, qui était bien moins bien, mais qui était pas mal, il y a, James Wan, il a vraiment, je sais pas, il est jeune déjà, mais il a relancé un peu ce cinéma d'horreur de série Z, ça remet vraiment dans l'ambiance de tout ce que j'adorais de ces séries de ces films d'épouvante des années 80, que ce soit House, que ce soit tout ça, tous ces vieux films d'épouvante qui étaient un peu série Z, un peu carton pâte, mais qui étaient vraiment super bien dans l'ambiance. Ils ont vraiment relancé tout ça. En plus, il y avait des acteurs qui tiennent, jouent vraiment bien, parce que Patrick Wilson et Vera Farmiga, ils sont super. Alors, j'ai pas vu le 2, j'ai vu que le 1, mais bon, on part sur le même réalisateur, les mêmes acteurs dans les mêmes rôles, donc je suppose qu'ils sont toujours aussi bien, même s'il faut que je le voie. Et je trouve que ça met un coup de fouet, un coup de nouveauté à ce cinéma d'épouvante qui s'étouffait depuis 20 ans. Et ouais, c'est super bien. Puis lui, de toute façon, quand c'est lui qui le fait, ça marche bien. Et puis on sort un peu aussi de cette espèce d'horreur grand guignolesque, à coup de gens qui se démembrent et qui se découpent les doigts. Que je trouve ça vraiment, guignol à la force. Et on repart vraiment sur du jumpscare et sur de l'horreur pure. Dans quelques coups de sursaut, mais beaucoup dans la suggestion. On sait pas dire, il y a très peu de scènes d'horreur dans leur film, mais toute la suggestion est que des fois t'as un plan sur la meuf, tu sais qu'il y a un truc à côté d'elle, tu n'es pas filmé, mais tu sais que c'est là, et c'est génial, ça fait vraiment flipper. Et t'as un retour vers ça que je trouve ultra intéressant, moi. Ah ouais, non, puis franchement, lui, le film, il est excellent. Franchement, enfin, moi, il y a des moments où, tu vois, j'avais des frissons, quoi, putain, c'est un peu dingue, quoi. J'ai hâte de le voir maintenant, là, je suis excité. Ah ouais, non, mais franchement, voilà, si je peux te donner un conseil, vraiment, on va le voir, quoi. Il est toujours au cinéma? Non, il est pas au cinéma, je crois qu'il est sorti, il est sorti un petit moment maintenant. Ouais, on le prend, je crois. Ouais. En fait, on était allé voir le 1 avec ma meuf et elle avait trop peur, elle a pas pu aller voir le 2. Voilà. Enfin, je vois tout ça. C'est ça le drame d'avoir une meuf. C'est ça. Ah ouais, non, mais c'est. Puis en plus, moi, c'est un genre de film que j'aime bien et tout, et là, tu pris, enfin, ouais, j'ai kiffé, quoi. Bon, après, quand tu ressors du cinéma, tu vois, tu regardes un peu autour de toi, quand même. Des fois, quand t'entends des bruits bizarres, tu te retournes, c'est franchement sympa, quoi. Si c'est vrai, t'as pas voulu le voir. Non, c'est ma meuf qui me dit que c'est pas vrai, là. Si c'est vrai, t'as pas voulu voir Conjuring 2. Voilà. Ouais. C'est vrai que les bons films d'horreur, tu hésites un peu quand t'as trop flippé sur un. Moi, je me rappelle, c'était le film japonais, là. Ring. Oh la vache, quand elle sort de l'écran de télé, là, j'ai jamais été aussi mal. T'avais vu la version japonaise ou américaine? Ah ouais, la version japonaise. J'ai pas vu la version US. Ah, il faut pas aller. J'ai vu la version US, moi. Allez. Ah non, la version japonaise, moi je l'ai en DVD, je suis fou. Extraordinaire. Voilà pour Conjuring 2. Alors je vais parler d'un autre film Netflix, décidément. C'est The Fundamentals of Caring. Il suffit de la thune un peu Netflix pour tout ça ou pas? Ah, même pas, putain, il faudrait que je mette en place un partenaire. Ouais. Bah, je crois que ça marcherait. Hein. Et c'est vrai que c'est bien, il y a du choix et bon, oui. C'est pas très cher pour ce que c'est. Donc, The Fundamentals of Caring, sorti cette année, là, 2016, directement sur Netflix. Alors, l'histoire, c'est Ben, un ancien écrivain qui suit une formation pour devenir aide-soignant. Donc, son premier job est de s'occuper de Trevor, un jeune handicapé qui est atteint de dystrophie musculaire. Donc, ce qui l'empêche d'être indépendant, quoi, tout simplement. Il est obligé d'avoir de l'aide pour aller aux toilettes, etc., pour se nourrir. Et donc ce dernier, il sort jamais de sa routine, mais avec l'aide de Ben, il va se laisser tenter en fait par un voyage pour visiter le plus grand puits du monde. Donc le concept est un peu con, mais c'est un peu pour situer dans l'esprit de Little Miss Sunshine, tu vois, avec ces gens un peu brisés qui se trouvent un défi et qui se réunissent avec ça. Donc sur la route, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Dot, qui est joué par Selena Gomez, qui fait du stop et ils vont la prendre avec eux et tout de suite en fait ils vont trouver une sorte d'alchimie entre les trois pour. On voit Sénichon ou pas Selena Gomez? Non non. C'est dommage. Je sais pas si on a beaucoup. Hein. C'est pas grave, je veux voir ce que ça donne. Le casting est intéressant, on retrouve Paul Rudd en tête d'affiche, ouais. Craig Roberts qui joue le jeune handicapé, Selena Gomez et Jennifer L, entre autres. Dans l'esprit, donc comme j'ai dit, c'est entre Little Miss Sunshine pour l'esprit, en fait, c'est l'ambiance, et Legit dans le traitement du handicap. C'est assez léger, en fait, mais l'esprit road trip, en tout cas, des personnes comme ça qui sont un peu brisées par la vie et qui trouvent de l'espoir, ça passe vraiment bien. Mais comment t'es allé cliquer là-dessus pour le regarder? Parce que Netflix, il y a plein de films. Hein. J'ai un film comme ça, j'ai le scénario, j'ai pas forcément de regarder ça, quoi. En fait, ils mettent assez facilement en avant leur création. Et puis, donc, j'ai vu le casting, j'ai vu l'histoire, je me suis dit. Allé. Bah, tout de suite, en fait, je me suis dit, ça va ressembler à Little Miss Sunshine. Et comme j'ai adoré le film, bah, j'ai lancé ça. Et puis, bon, c'est vrai que ça ressemblait à ça. Mais vraiment bien. Il y a un aspect comédie qui est assez bon. On se marre. Je me suis bien marré, surtout au début du film. La partie émotion aussi est pas du tout ratée. C'est pas leur moyen. Enfin, c'est pas forcé, quoi, on va dire. Ouais. Et ouais, ça dure 1h30, 1h40. Et vraiment, c'est passé un bon moment devant ce film. Bon, bah, c'est cool. Et donc là, c'est Forza qui devait parler d'un film. Mais en fait, je vais enchaîner avec un autre film vite fait. Vas-y, Forza devrait arriver dans pas longtemps. Normalement, vient d'arriver. Ah, ok. Donc, pour meubler, je vais parler de Tucker and Dale versus Oui. Ça, il y a quelques jours. Tu l'as excellent. Vu, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps. Quand il était sorti, Pour éviter de spoiler, je vais pas raconter le concept du film. Oui. Mais en fait, juste dire que c'est une sorte de film d'horreur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a Tyler Lobine que j'adore totalement, qui est extraordinaire et qui est beaucoup trop rare. J'avais découvert à l'époque dans. Putain, c'est quoi cette série géniale là dans Reaper. Oui, dans Reaper. Et putain, c'est n'importe quoi, vas-y, rigole. Non, vas-y, moi j'ai vu trop longtemps. L'histoire, en fait, c'est des jeunes qui font leur spring break dans une forêt où il y a eu un meurtre il y a 20 ans. Et donc, Tyler Labine et Alan Tilly qui jouent deux rednecks qui vont construire, enfin, rénover la cabane qu'ils viennent d'acheter dans cette même forêt. Et donc, les jeunes croient, enfin, ils sont tout de suite mal à l'aise quand ils les voient, ils les prennent pour des gens un peu louches. Et les fées vont leur donner raison quand quelqu'un va disparaître dans cette forêt. Regardez-le vraiment. Ne posez pas de questions, regardez-le. C'est n'importe quoi, c'est génial. C'est quoi ton film Tucker and Dale versus Evil. D'ailleurs, il paraît après d'en faire un autre. Je sais pas où ça en est d'ailleurs. Bah, j'ai pas vu de news depuis. Bah, j'ai regardé justement après avoir vu le film. Il y avait des news en 2014 allant dans ce sens. Je pense que. Ça viendra plus tard peut-être. Dommage. Bah après, ça va être dur de faire aussi bien, je pense, puisque la surprise, c'est que c'était tellement... Oui, c'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment en repartant avec le duo Tucker et Dale, ça peut vraiment marcher, quoi. Mais... Ouais. Non, c'est un bon film. Si vous êtes fan de cinéma d'horreur, c'est pas forcément... Non, c'est plus rigolo qu'autre chose. Hein. C'est con, c'est rigolo. Voilà. Ouais. Vraiment passé un super moment. Ça dure 1h30 en plus. Ça se regarde sans aucun problème, sans coupure. Ah, il est sur, il est sur Netflix. Ouais aussi, ouais. Mais là, j'ai pas osé le dire pour pas. Donc après cette petite coupure, on accueille Forza qui va nous parler de deux films. On va commencer par le film Nerve. Déjà bonjour à tous. Alors Nerve, pas très connu. En tout cas, la sortie du film a été très discrète. En gros, ça parle de, c'est un peu sur la génération Y. C'est surtout une sorte d'application qui lance des défis, donc à des joueurs. Et forcément, on peut s'en douter, les défis vont de plus en plus loin. Bien sûr, je ne dirai pas la fin du film, mais c'est vraiment sympa. J'ai été étonné en fait que le film soit aussi bon. Bien sûr, ça fait un peu film d'ado, mais honnêtement, il est vraiment bien et j'ai été bluffé par la fin surtout. On s'attend vraiment à un rebondissement. On s'attend pas à la fin. Il y a un sacré rebondissement et c'est vraiment sympa. Ah, c'est un film un peu à la Hunger Games dans l'esprit ou? Non, même pas, parce qu'il n'y a pas de combat à proprement parler. Ah, mais si tu veux, c'est donc pour expliquer un peu plus les principes des défis. Chaque défi rapporte une certaine somme d'argent, et à la fin, pour gagner les sommes totales engrangées par les défis, c'est le vainqueur de la, comment dire, du classement général. Donc en fait, il y a des éliminations. Dès qu'il y a un défi qui n'est pas réussi, le joueur est éliminé. Donc dès lors que qu'il n'en reste qu'un, en fait, il y a deux plutôt. Il y a une finale qui est organisée, et puis le grand vainqueur remporte toutes les sommes qu'il a potentiellement gagnées avec les défis réalisés. Ok. Ouais, c'est un thriller apparemment. C'est ça, ouais. Très bien. Ah, mais il est encore au cinéma en plus, d'accord. Il est encore au ciné, ouais, il est tout récent. Ouais, c'est avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Maid. Ouais. Dave Franco d'ailleurs, qui joue aussi dans Insaisissable 2. Ah, d'accord. Oh, l'enchaînement, parfait. Quelle transition. Donc, vas-y. Voilà, donc là, Insaisissable 2, un film forcément beaucoup plus connu, qui est la suite du film de 2013. Voilà, bien joué. Ah oui, c'est avec les magiciens. C'est ça, voilà, c'est les 4 magiciens, les 4 cavaliers. Vas-y, Oshi, tu voulais poser une question? Ouais, est-ce qu'il est aussi chiant que le 1? Non, pas. Chiant, non. Bah, le 1, en fait, tu te dis, ouais, il y a un gros casting, ils vont faire un super film, ils vont faire un truc à la Ocean's Eleven. Et en fait, ça se casse quand même bien la gueule, quoi. Je veux dire, c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi à la fin, faut arrêter. Ah, ouais, c'est pareil. Dis-moi que c'est pareil. Bon, forcément, si t'as pas apprécié le 1, t'apprécieras pas le 2, ça c'est sûr et certain, puisque c'est la suite directe du film. Ouais. Moi, après, j'avais bien aimé le premier. C'est vraiment dans la continuité. Et il est aussi bluffant, je pense. Enfin, aussi bluffant. Maintenant, toi, t'aurais un avis contraire, je suppose. Mais il est aussi prenant pour moi que le 1. Ouais. Non, j'étais méchant. C'est que le 1, j'attendais un petit peu mieux, en fait. Du gros casting et tout, et en fait, bon... Pff. Bref. Du coup, c'était terminé pour toi. Est-ce qu'on va passer à la lecture? Et The Expanse, Koshi et moi, on va évoquer. Alors, Oshi, tu vas débuter, puisque tu as évoqué le tome 2 que tu as fini. Il me reste 30 pages. Je garde un petit peu, là. J'aime pas quand j'arrive à la fin des bouquins. Le 3 vient de sortir, donc ouais, j'attends un petit peu. The Expanse, je crois que j'avais déjà parlé du tome 1 ou pas? Je sais plus. J'avais fait quelques émissions. Donc, The Expanse, bon, pour refaire globalement un peu très très vite fait un résumé de. C'est un grand space opéra, une série de bouquins space opéra science-fiction. Je fais le sino, puis après ouais. T'enchaînes. Allez, vas-y. Donc on suit dans le premier tome l'histoire à travers deux points de vue. C'est Jim Holden qui est dans un vaisseau de transport de glace qui va vers la ceinture. Et Miller qui travaille dans la ceinture, qui travaille dans une société de sécurité, qui mène l'enquête parce que dans cette ceinture il y a beaucoup de crimes, de délits. Et un accident va se produire du côté de Jim Holden, puisque son vaisseau va se faire détruire par un vaisseau furtif. Et donc il déclenche un début de conflit, de guerre entre différentes planètes. En évoquant cette destruction. Voire même toute la galaxie, quoi. Entre les planètes externes, entre la ceinture, entre les planètes intérieures, entre Mars, entre la Terre. Voilà, on est dans ces points de vue, d'abord à petite échelle, pour après suivre un peu la géopolitique des planètes, ouais. de la ceinture et tout ça. Et donc, voilà, le tome 2. T'en es où, toi? T'es dans le tome 1? Alors, moi, j'ai presque fini le tome 1, j'ai commandé le 2. Ouais, t'allais vite quand même. Ah ouais. Parce que du coup, oui, en fait, à la base, moi, je me suis mis dans cette série, dans ce bouquin, parce qu'il y a une série qui a commencé à sortir sur Sci-Fi l'année dernière. Et j'ai pas regardé la série, je me suis dit, c'est une série de bouquins, je vais y aller. Moi, je suis quand même un grand fan de science-fiction. Je suis fan d'Asimov, je suis fan de Dan Simmons. Je me suis dit, allez, ça a l'air sympa. J'ai vu qu'ils sont deux à écrire. Il y a James Ikoré et je sais plus qui avec lui. Et donc, il y a un écrivain de science-fiction et l'autre, c'est l'assistant de George Martin. Qui écrit donc le Trône de Fer, qui écrit Game of Thrones. Et oui, le tome 2, du coup, on repart assez vite, en fait. Après la fin du tome 1, ça suit globalement, forcément, c'est le conflit, vu que c'est un space opéra, ça arrête vraiment pas à la fin du tome 1. sachant qu'il y a un bouquin qui sort par an et qu'il y a déjà 6 tomes qui sont sortis aux États-Unis. Le tome 3 sort aujourd'hui. Je vais pas trop évoquer le tome 2 parce que forcément ça répond à des questions qui se passent dans le tome 1. Après voilà, on peut toujours expliquer que la protomolécule, parce que vous verrez qu'il y a une protomolécule, vous verrez ce que c'est parce que vous savez pas ce qu'est une protomolécule, est toujours là. Forcément ça a évolué, forcément la menace est plus que jamais dangereuse et ça commence à devenir un très très intéressant. J'ai déjà lu un petit spoiler pour le début du 3, je suis un peu dégoûté parce que je viens de voir, je cherche là pour le commander et à mon avis ça va partir encore plus en couille. Alors voilà, si vous aimez bien les grands space opéras bien longs, bien fleuves, parce que c'est quand même bien long, il faut quand même se taper 700 pages par tome, faut aimer ça. Après c'est, je trouve pas ça long du tout, c'est un peu chiant chaque fois que ça recommence parce que forcément bah là sur le tome 2 il faut remettre en place des choses, il faut mettre des nouveaux personnages, en intégrer des nouveaux. C'est quand même pas aussi long Game of Thrones où tu tapes 200 pages avec que les nouveaux personnages que t'arrives pas à voir sur les 70 que tu vas avoir dans le tome. Non mais voilà, on reste quand même sur il y a un peu plus de points de vue. On passe à trois points de vue, même si tout se regroupe au bout d'un moment, forcément, comme à chaque fois, c'est bien agréable. Et si vous aimez la science-fiction, vous aimez les grandes séries fleuves comme ça, qui sont bien écrites et qui sont bien prenantes, jetez-vous dessus. Parce que je m'attrépète la série après avoir fini le 3 pour voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai beau aimer sci-fi, quand je suis parti sur un bouquin, j'ai pas forcément envie de voir une version un peu cheap du bouquin, mais bon, Steve avait l'air de dire que c'était pas si cheap que ça, donc j'irai voir. Non, franchement, c'est assez bien foutu. Bon, après, il faudrait que je revoie, parce que on idéalise un peu quand on a a bien aimé un truc. Mais non, franchement, en plus, les séquences dans l'espace sont vraiment bien foutues. C'est plus au niveau de la ceinture où c'est vrai, on sent moins l'envergure de l'endroit. Oui. On sent que c'est plus limité là, mais dans l'espace c'est vraiment soigné quoi. Oui, il faut savoir, là, il y a aussi tout ce qui est martien, tous ceux qui vivent dans les puits de gravité qui sont en train de faire entre 2 mètres et 2 mètres 50, c'est dur à faire. C'est pas possible de toute façon. Mais voilà, à dire que moi ça m'a quand même, ça m'a beaucoup rappelé, même si c'est une série et que là c'est un bouquin, ça m'a quand même pas mal rappelé un peu comment elle avait été à l'époque traité Battlestar Galactica, pour ceux qui avaient vu, ceux qui avaient aimé les 4 saisons de la série Battlestar Galactica du remake, dans cette espèce de space opéra mi-géopolitique, mi-action. C'est juste pas de l'action bourrine, c'est pas non plus trop chiant au niveau géopolitique, c'est un bon mélange entre les deux, je trouve ça assez équilibré. Les personnages ont une bonne psychologie, ils sont pourtant assez simples à suivre, c'est très sympa. En attendant la sortie du tome 6 de Game of Thrones, c'est très sympa pour attendre, voilà. Ah, ce que j'aime bien en fait, c'est la construction, c'est le fait d'avoir ces deux points de vue, avec des chapitres assez courts, ça fait une dizaine de pages, un peu moins en général. Bah, moi généralement je laisse aux toilettes et je lis généralement un chapitre en faisant caca. Alors des fois ça dure un peu plus longtemps, des fois je le fais en deux caca parce que c'est un peu long, mais je fais ça comme ça. Ouais. Et c'est heureusement que les chapitres font pas 30 pages, hein, ça serait beaucoup trop long. T'aurais des hémorroïdes après. Voilà, ou je perdrais un petit peu le film. Mais du coup c'est que c'est agréable de pouvoir, ça va assez vite. Je trouve que ça va assez vite, il y a quand même beaucoup de choses à raconter, mais même des fois tu te dis waouh, ça va déjà, c'est assez, sans être expédié, c'est assez efficace. Et puis on n'est pas perdu en plus, je trouve. Moi je m'attendais à être un peu plus perdu en lisant le bouquin, même en ayant vu la série. Mais en fait tout est très clair, les enjeux, les éléments, les personnages. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il y a peu de personnages au final, et on te ressente quand même sur, parce que c'est pareil, sur Game of Thrones depuis 2 ans maintenant, t'as l'habitude de suivre, t'as 20 personnages en même temps. Là non, t'en suis entre 3 et 4 et puis terminé quoi. T'as 2-3 équipes, tu suis un peu ce qui se passe, tout se passe bien. Et ça fait du bien un peu de temps en temps aussi. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est bien, ouais, un bon mélange entre action, géopolitique. La partie de Miller au début est un peu film noir, on va dire. Oui. Un peu policier. Un peu polar pour le coup, mais c'est ça. Ouais, voilà, ouais, plus polar, ouais. Le vieux personnage du vieux détective un peu blasé. Ouais, tendance alcoolique. Non, les persos sont vraiment bien. Ah, et puis ça évolue bien et vite, quoi. Comme tu dis, c'est vrai que tu t'ennuies jamais, quoi. Et on sent qu'ils en ont sous la semelle. Oui. Et au niveau du tome 2, il y a toujours des bonnes surprises comme ça, c'est toujours un bon rythme. Ouais. Alors c'est un petit peu long au départ, parce que pareil, du coup, dès le départ, on intègre un nouveau personnage qui va être un des personnages principaux assez vite. Et on sait pas trop où ça va aller. Mais oui, c'est pas qu'il y a des grosses surprises, c'est que ça devient what the fuck. Mais c'est très bien. C'est peut-être un peu comme Miller au début, quoi. On sait pas trop où ça va, et puis petit à petit, le personnage trouve sa place, et puis. Oui, bah, c'est exactement ça. Je peux dire, c'est Bobby, c'est une militaire qu'on suit dans le 2. Martienne, non, c'est donc, ça. Donc, voilà, une grande martienne qui est censée faire 2m50, qui est une sorte de super, pareil, super soldat, un peu, qui lui arrive un truc très tôt dans le bouquin, qui va un peu, chambouler sa vie. Non, mais voilà, ne serait-ce juste conditionner tout son rôle dans le dans l'histoire ensuite. Et non, vraiment bien, vraiment très agréable série de bouquins. Je vous le conseille. Parfait. Bah ouais, moi j'attends avec impatience le soir pour aller lire ça et puis enchaîner le tome 2 dès que je le recevrai. Ah, c'est vraiment bonne série de bouquins. Oui. Voilà pour The Expanse, donc en lecture, et on a fait le tour de ce podcast. Bah, merci à vous trois d'être venus, merci à Forza pour ta courte mais efficace participation. Mais de rien, de rien. Merci à Max, malgré le peu de sujets que tu avais à évoquer. C'est à toi, c'est bien. Il est parti, il est loin. Ça va, Max, tu es là ? Ouais, je suis là. Et merci aussi, ben, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous dans un mois, peut-être un petit peu moins parce qu'on a un peu de mal à se remettre dans le bain, pour le bilan, les coups de cœur du mois de septembre. Merci à tous, salut. Merci, salut. Bonjour à tous, vous écoutez le mensuel de septembre de... Pardon. Bonjour à tous, vous écoutez le mensuel d'août 2016, Diunctis. Et on va passer à... Alors, je sais plus ma bonne page, c'est bon. On va passer au cinéma avec Max qui va faire son retour et parler de Conjuring 2. Bonjour. Jamais bien devant la porte, je les ramènerai demain. Donc là, c'est la suite directe. Oh, deux secondes, je reviens. Il y a un meurtre chez toi ? Ouais. Je reviens. Ça, c'est Conjuring 3, quoi. En direct, c'est pas vrai. Bon, je crois que ça va faire dans le bêtisé, ça. Ouais, désolé, putain, c'est mes chats qui se battent entre eux, quoi. Ouais. Ça arrive. Ah ouais. Alors, après cette petite coupure au montage, on accueille Forza qui va nous parler rapidement. Enfin. Non, attends, je vais refaire. Ça, c'est un mec qui va te presser, qui... Non.